Mes amis, j'ai tenté une expérience de malade hier après-midi. Encore pire que la gêne. J'ai pris le métro pour rentrer chez moi. Je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, mais je me suis retrouvé sur la ligne 1. Une fois à Châtelet, je voulais prendre la correspondance. Mmh. Eh ben, figurez-vous, j'ai pas réussi. Tout d'abord, au bout d'un tapis roulant, je suis tombé sur un cordon de mecs et de nanas habillés en vert qui m'ont demandé mon titre de transport. Là, j'ai dit « Oh, c'est pas le moment de venir me chier dans les Santiago, les poissonneurs. Ça fait 2 heures que je suis en train de tourner en rond dans vos tunnels, vous avez pas me demandé de payer pour. » Comme ils insistaient, je me suis permis de les cogner copieusement. Et j'ai continué mon chemin pour arriver à une intersection où une tribu précolombienne semblait, comme moi, perdue. Ce qu'il y a de bien avec les amis du Grand Condor, c'est que ça leur sent pas le moral quand ils sont perdus. Ils se posent dans un coin et ils chantent. Ils ont fait un petit récital du style « Je suis perdu sur la colline, ouh ouh, j'ai perdu mes mandarines, ouh ouh, la cité d'or. » C'était génial, j'étais à deux doigts d'aller m'acheter un poncho et de me mettre à la flûte de pan tellement j'étais conquis. Je les ai chaudement félicités, quand d'un seul coup, qu'est-ce qui se pointe? La tribu des contrôleurs que j'avais tabassé auparavant. On s'est tous barrés en courant, comme des Roumains, et puis on s'est cachés dans un tunnel. Enfin, moi et la soliste, la délicieuse Cucu Caracha. Ah, elle était belle avec ses habits colorés, son petit chapeau melon et ses bottes en peau de lama. J'ai demandé si elle aimait le schnapps, elle m'a dit que non. J'ai demandé si elle avait déjà vu devant elle un grand fauve nu, tout muscle dehors, le poil saillant et le sexe arrogant tendu vers les étoiles. Comme elle ne disait rien, je me suis dit que c'était le moment d'agir. J'ai glissé ma patte de cougar péruvien sur sa cuisse au reflet inca. Je l'ai légèrement griffée au niveau charnu qu'on appelle El Fiono dans son pays. Et c'est pile à ce moment-là qu'elle a cassé sa guitare sur la tête. Ah, je vois le genre. Tu joues les espiègles, Speedy Gonzales. Et là, mes amis, histoire d'enfoncer le dernier clou, j'ai... Non. Ah, si. Non. Et je sais, c'est pas joli, joli. C'est même pas très fair-play, mais j'ai chanté ce qui les fait toutes craquer, les Miss Tapas. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel. Tourne-toi, c'est bien. C'est ta vie, c'est ton destin. C'est quoi? J'ai pas eu le temps de dire. Ouf! Elle a bouffé son slip en paille. Et elle s'est jetée sur moi, hurlant. Vas-y, vieux nachos. N'hésite pas, saute-moi dessus. Fais-moi péter la cordillère. Sois mon conquistador impur. Salis ma vertu, grand maya du sexe. Fais-moi péter la steak. Tartare. Et c'est au moment où j'allais lui faire la... pendant 773 heures, qu'un métro lui est passé dessus. Dommage. Allez, au revoir, Zen.